À l'heure qu'il est, j'écris ce texte et j'ai le cœur serré, sérieux. Et la tristesse m'a répété, fais-le, fais-les. J'ai vu l'ivresse qui les a rendus barges, squattant les surfaces où les autres ne s'aventurent pas, saigner. Le monde de la ferme, tant que ça prend du cash, de l'ombre à la lumière, c'est plus la même quand la censure parle. Le doigt posé sur la gâchette dans la prochaine séquence. Et toi, tu crois sauver la planète à ta pote et l'écran. Tout s'éparpille et le pognon veut la peau du prodéo. Ça va nous coûter la vie comme le dossier Othello. Pleurer pour son ego et se moquer de la mort des autres. La réalité virtuelle donne des forces au réseau. Et non, je ne vais pas me retirer sur une mauvaise note. Je réitère, je la défonce si la porte est close. J'ai libéré la bête, reste à l'affût de croissance, croisant mes prières sous la lune croissante. Marchant comme des millions, même si on n'est pas plus de 300 froissants. Moi je me sens vide quand ma plume s'absente. Et je mise tout sur la patience, la douleur s'accentue. Tous les discours de la chance, je ne les attends plus. Et oui, chaque phrase est un classique et la frappe vise la lucarne. Marie, Mika, Stéphanie, Clara et le petit Lucas. Sache que la famille luttera à l'heure où la pilule passe. Toujours le poing levé comme si je faisais partie des ultras. Quant à l'histoire du crime racial qui ne manque pas d'image. Sans foi ni loi, dis-moi que vaut la vie de Sanda Dia. Angaria, Angaria, j'ai pas de rêve américain qui se balade en Cadillac. J'avoue des fois je me dis que la terre serait mieux sans toi ni moi. J'arrache mes liens, si je pars demain je sais qui en pâtira. J'ai libéré la bête, reste à l'affût de croissance, croisant mes prières sous la lune croissante. J'abrite mes souvenirs, je prends la vie comme ça vient. C'est pas le mal qui la nourrit quand la lionne a faim. Et donc ma plume s'accomplira un maximum à fin. Qu'on n'oublie pas la sombre histoire d'Alison Jardin. J'abrite mes souvenirs, je prends la vie comme ça vient. C'est pas le mal qui la nourrit quand la lionne a faim. Et donc ma plume s'accomplira un maximum à fin. Qu'on n'oublie pas la sombre histoire d'Alison Jardin. Je me sens prêt pour la traversée du ciel devant l'éternel. Sans détour, j'amènerai la lumière dans les ténèbres. J'ai libéré la bête, reste à l'affût de croissance, croisant mes prières sous la lune croissante.